trap, bitch. Arrête de faire ta meuf, c'est pas ce que tu m'avais dit. Gros gamos tout neuf, j'te ramène en vie. Les joints parlent avec les keufs, Léon Clio aussi. J'roule un petit ouange de peuple, c'est de la grosse frappe à la fégouli. Frappe à la fégouli, frappe à la fégouli, frappe à la fégouli, frappe à la fégouli. Je t'avais dit oui, mais j'ai changé d'avis. Donc casse pas les glas, oui, j'te mets une frappe à la fégouli. Le bouton dans la Aston Martin, semelle rouge comme le fond de la rétine. Sable d'un Anakin, j'découpe la résine. J'cours après les soleils jumeaux de Tatooine. 450 chevaux, j'suis à donf. J'gagne le taf à prix de l'Arc de Triomphe. Dans la street, pas de stage. Les ennemis niquent leur âge, prépartir de barrage. J'ai le sommet léger, l'HK est chargé. Leurs poumes sont enneigées, c'est l'Alaska l'été. Elle dit qu'elle a pas mon temps, que pour la voir faut que j'creuse. Elle a de gros diamants à la place de ses pleuses. J'suis dans la boîte, je possède ce que tu convoites. Quand tu nous vois, bah tu boites. J'pose mon gros bras sur tes épaules. T'as même l'impression de faire du squat. Coup de crosse dans l'arcade, j'accélère, j'rétrograde. Braquage putain fusillade. Arrête de faire ta meuf, c'est pas ce que tu m'avais dit. Gros gamos tout neuf, te ramène en vie. Les joints parlent avec les keufs, mais en Clio aussi. J'roule un petit ouange de peuple, c'est de la grosse frappe à la fégouli. Frappe à la fégouli, frappe à la fégouli, frappe à la fégouli, frappe à la fégouli. Je t'avais dit oui, mais j'ai changé d'avis. Donc casse pas les glas, oui, j'te mets une frappe à la fégouli. Du pays aux deux sexes, j'manie la gâchette. Je tire dans la tête, j'appuie sur reset. J'termine à la mitraillette, les ennemis sont à la diète. J'te ramène au Phuket, en jean ou en survêt. Allume ta tige et rends-moi mon briquet. J'viens de l'acheter, partout y'a litige, on est impliqué. Y'en a jamais assez, j'veux du cuir sur mes accoudoirs. Tu ne peux pas me nuire, j'ai le savoir. Tu ne peux pas me fuir, je suis tout part. Tu peux en déduire que je suis Côte d'Ivoire. Je vais te faire sortir du game par la cuvette des chiottes. Tu parles de moi et tu fais monter ma cote. Je veux pas d'une relation, bitch, fais pas l'idiote. Je vais faire tourner le refou pour payer ta dot. Je bosse la poussée, limonade à la source. À la tête du peloton, à la fin de la course. Roi de la trappe enveloppé dans une peau d'ours. L'école des hauts couteaux et de la cour. Arrête de faire ta meuf, c'est pas ce que tu m'avais dit. Gros gamos tout neuf, j'te ramène en vie. Les joints parlent avec les keufs, Léon Clio aussi. J'roule un petit ouage de peuple, c'est de la grosse frappe à la fégouli. Frappe à la fégouli, frappe à la fégouli, frappe à la fégouli, frappe à la fégouli. J'ai un petit oui, mais j'ai changé d'avis.